regard ses ciel. Si plaire d'aimer ses pas, pour la mer, rien de ma vie. Viens avec toi, oh Georgina, avec toi nous partirons. Au matin, mes soleureux, un beau dossier, je pense s'entendre. Je sois au d'été, no Georgina, allez, viens. Shabalabalabalapa, do you, do you, you, pa. Shabalabalabalapa, do you, do you, you, pa. Shabalabalabalapa, do you, you, pa. Georgina, avec toi. Shabalabalabalapa, do you, do you, you, pa. Shabalabalabalapa, do you, do you, you, pa. Shabalabalabalapa, do you, you, pa. Georgina, avec toi, nous irons nous. T'es crié nos coches sous, t'es abdonné tous les soirs. Viens irons danser, oh Georgina, viens danser, oh Georgina. Pas tant de gestes le matin, jamais sous que je vous dresse. Que j'ai tout ma vie, oh Georgina, tout ma vie. Chabalabalabalapa, do you, do you, you, pa. Chabalabalabalapa, do you, do you, you, pa. Chabalabalabalapa, do you, you, pa. Georgina, avec toi.